La médaille par André Theuriet. En janvier 1871, dans un des derniers combats qui eurent lieu autour du Mans, me dit le commandant Saint-Genis, je fus grièvement blessé à l'épaule. On me ramena à Tours et je fus dirigé sur une ambulance établie dans la maison des Sœurs de l'Espérance, rue des Ursulines, au centre de ce quartier pittoresque et silencieux qui s'étend derrière les cloîtres de la cathédrale. C'est une demeure austère et somnolente, située entre cour et jardin et séparée de la rue par un haut mur où des pariétaires poussent dans les pierres noircies. La cathédrale Saint-Gatien, qui est proche, allonge sa grande ombre sur ce couvent où l'on entend tout le jour des sonneries de cloches mêlées aux cris rauques des corneilles qui nichent au sommet des tours. Pendant les premiers jours, absorbé par une fièvre violente, je n'eus pas trop conscience de ce qui se passait autour de moi. À travers mes cauchemars, je percevais de vagues silhouettes noires se confondant devant mes yeux troubles. J'avais la sensation de mains très douces appuyant ma tête sur l'oreiller et de frôlements d'étoffe légers comme des bruissements d'ailes. Quand la fièvre eut diminué et que mon esprit eut repris sa lucidité, la première chose que je distinguai un matin en m'éveillant fut une charmante figure de jeune sœur, encadrée dans une coiffe blanche empesée et se penchant vers moi avec une sollicitude attendrie. C'était la religieuse préposée à ma garde. Elle se nommait sœur Alexis, pouvait avoir 24 ans et me parut exquisement jolie. Un visage délicat et allongé, d'un blanc mat, avec de grands yeux couleur pervenche. Un nez fin aux ailes mobiles, une bouche spirituelle, dont la lèvre supérieure était estompée d'un soupçon de duvet. Sous les larges manches noires, ses mains effilées et douces arrangeaient les couvertures avec de minutieuses précautions, et ses paroles étaient encore plus douces que ses mains. Elle m'adressait des questions maternellement familières, auxquelles je répondais avec un timide embarras dont je ne suis pas coutumier. Il y a toujours quelque chose d'horriblement gênant pour un homme du monde, jeune et un peu vain, à être soigné par une jolie femme à laquelle il est obligé de se montrer dans le triste et vulgaire appareil des infirmités humaines. Ma sœur Alexis s'acquittait de sa tâche avec tant d'esprit et de bonne humeur qu'elle finit par triompher de ma fausse honte et par me mettre tout à fait à l'aise. Dès que je pus manger, ce fut elle qui s'occupa exclusivement de ma nourriture. Elle m'apportait de petits plats appétissants, préparés avec cette merveilleuse adresse culinaire dont les religieuses ont le secret. Pour vaincre mon manque d'appétit, elle inventait des raffinements ingénieux qui auraient ravi Brillat Savarin lui-même. Je me souviens surtout de certains bols de lait chaud dans lesquels avaient infusé des violettes fraîches dont la saveur était délicieuse. Il s'en exhalait une odeur suavement printanière et en dégustant ce lait parfumé, il me semblait respirer l'émanation même de la jeunesse de sœur Alexis. Je le lui dis un jour en riant, et cela amena sur son blanc visage une couleur rose pareille à celle qui teinte légèrement les fleurs d'amandier. À mesure que je reprenais un peu de force, nous causions plus longuement dans l'étroit dortoir que j'occupais maintenant seul. Un feu discrètement assoupi se consumait dans la cheminée. De temps en temps, un rayon de soleil traversait la fenêtre et venait se poser sur mes rideaux. Et au loin, nous entendions le tintement d'une cloche d'église. Sœur Alexis m'interrogeait sur mon pays, sur la guerre, sur les batailles auxquelles j'avais assisté. Moi, je la questionnais sur son enfance, sur les raisons qui l'avaient déterminée à s'enfermer à 18 ans dans les murs d'une communauté. Elle était tourangelle et avait été élevée au couvent des Dames Blanches. Sa mère était morte depuis longtemps, son père s'était remarié, et sa belle-mère lui avait rendu le séjour de la maison paternelle insupportable. Alors, moitié par dépit, moitié par goût, elle était entrée comme novice chez les Dames de l'Espérance. À travers ses confidences discrètes et ses pieuses effusions, il me semblait démêler un vague regret de cette vie mondaine qu'elle avait à peine entrevue. Parfois elle se taisait, et sous les plis amples du corsage noir, je croyais surprendre un mouvement de sa poitrine de vierge soulevée par un soupir étouffé. Cet échange d'impressions, cette confiance réciproque qui nous poussait à nous conter mutuellement notre histoire, amenait peu à peu entre nous une intimité plus douce. Je ne sais au juste ce qui se passait en elle, mais pour ce qui est de moi, je me sentais très attendri, très remué à son approche. Deux ou trois fois, nos regards se rencontrèrent, et en se fondant l'un dans l'autre, produisirent en moi un trouble qui ne dut pas rester inaperçu. Sœur Alexis s'éloigna lentement, et dans la demi-obscurité dont le jour crépusculaire emplissait déjà la chambre, je distinguais vaguement sa noire silhouette, agenouillée devant une statue de la Vierge. Elle priait à mi-voix, et j'entendais comme un doux balbutiement les syllabes latines des litanies « Maristella, Federis Arca, Turis et Bournea ». Cela me berçait, et je finis par m'assoupir. Le lendemain, quand je me réveillais tout heureux de l'idée de revoir sœur Alexis, j'aperçus à mon chevet une sœur que je ne connaissais pas et qui ne ressemblait en rien à ma charmante garde-malade. Je lui demandai si cette dernière ne viendrait pas dans la journée. Je n'obtins pour toute réponse qu'un hochement de tête avec des yeux levés au ciel comme pour dire « je ne sais rien ». De cette nouvelle gardienne, en effet, je ne pus rien tirer que des réponses insignifiantes, et jamais, pendant tout le reste de ma convalescence, sœur Alexis ne reparut dans mon dortoir. En revanche, à partir de cette journée, j'eus chaque soir la visite de la supérieure, une aimable sexagénaire, très intelligente, qui avait vécu dans le monde et qui me prit vite en amitié. Nous causions ensemble avec une honnête liberté, et une fois, profitant d'un moment d'expansion, je lui demandai si sœur Alexis était partie et pourquoi j'avais été si brusquement privé de ses soins. « Monsieur, me répondit-elle avec un pâle sourire, nos sœurs me regardent comme leur mère spirituelle et un peu aussi comme la directrice de leurs âmes. Sœur Alexis m'a ouvert son cœur et, dans l'intérêt de son salut, j'ai cru devoir l'éloigner. Elle a quitté Tours. « Bonsoir, monsieur. Dormez bien. » Et afin de ne pas être questionnée davantage, elle me quitta. Quelques jours après, étant tout à fait convalescent, je résolus de rejoindre mon régiment. J'allais prendre congé de la supérieure et la remercier. Tandis que je m'inclinais pour sortir, elle alla chercher sur son prie-dieu une mince médaille d'argent et me la tendit. « Tenez, monsieur, dit-elle, cette médaille a été bénite à la Salette. Promettez-moi de toujours la porter sur vous. » Je promis. Je remerciai encore et je partis. Une fois dehors, j'examinai la médaille. Sur l'une des faces, je crus apercevoir des caractères qu'un burin inhabile avait gravés à fleur de métal, et en me servant d'une loupe, je déchiffrai en effet ces deux mots. Sœur Alexis. Je n'ai plus revu la charmante sœur aux yeux pervenches, mais, tout mécréant que je suis, je porte fidèlement sa médaille. Ainsi s'achève la médaille par André Theuriet.